Il y a une dame qui a envoyé des, qui a fait une petite annonce, elle nous l'a envoyé par internet, elle a dit vous pouvez adopter une chatte. Est-ce qu'elle avance à chatte? Allô? Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'appelle pour la petite annonce que vous avez passée. Oui. Le chatte que vous avez. Oui. Il vous en reste combien? On a deux chats. Il y en a un qui est un perse de 8 ans et demi. Ouais. Et un siamois de 2 ans et demi. Mais il y avait marqué adorable petite chatte. Il y a adorable petite chatte. Oui. Non, ça doit être notre annonce alors. Ah bah là, c'était votre annonce à vous. Il y avait marqué 20 adorable petite chatte. Ah non, c'était pas ça. Et donc, je me suis dit, j'aurais bien voulu adopter une chatte. Oh, vous n'avez pas... Je suis désolée, c'est pas bien fait alors. Ah, c'est bah pas c'est... bon. Ah bah oui, c'est une erreur parce qu'il faut pas appeler une chatte ce qu'on n'est pas une. Vous n'avez pas de chatte, madame? Mais non, ça doit être une erreur parce que, sincèrement. Je suis où? C'est quoi ce petit accent? Vous avez un accent? Non, vous êtes en France. Bah oui, mais vous avez un petit accent. Belge. Vous avez un accent belge? Oui, tout à fait. Ah, oui. D'accord, donc vous n'avez pas de chatte alors? Ah bah non, ça doit être une. Non. Hein. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que c'est comme un nom? Bah oui, à vendre magnifique petite chatte à adopter. Donc oui. Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas de petite chatte. Non, c'est bizarre parce que c'est pas comme ça comment je l'ai écrit. Ça vous l'aviez écrit comment? Grosse chatte? Mais non, parce que c'est pas des petites chattes, c'est des adultes, oui. Ce sont des chattes adultes alors. Oui. Ce sont des grandes chattes. Des grandes, ce sont à vendre des ou des grosses chattes. À vendre des grandes chattes. Ah oui. Quelle couleur? Bah, il y a une perse écaille, mais normalement c'est dans l'annonce aussi. Ah, votre chatte, elle a des écailles. Ça doit faire mal, ça. Oui. Est-ce qu'elles sont de type poilu ou pas? Poilu? Oui. Il y en a une qui est poilue et une qui est moins poilue. Ah, vous avez, bah moi je vais prendre la chatte moins poilue, ça vous gêne pas? Miko va prendre la poilue. Vous avez donc deux chattes, hein, c'est ça? Ouais, c'est dingue ça. Miko prend la poilue. Moi j'aime bien. Bon bah écoutez, moi je prends. Combien vous les vendez, madame? Mais je les vends pas. Je pense que c'est une erreur parce que je vois pas de quelle annonce vous pensez. Mais je n'ai pas inventé votre numéro de téléphone. Ah mais non, mais c'est trop bizarre, mais j'ai pas vu l'annonce. Vous vendez bien une chatte? Oui, bon. Une chatte, madame, c'est suffisant, on s'en fiche. Voilà, donc je voulais bien que vous soyez pas... Attendez, un petit instant parce que ça devient un peu trop difficile pour moi, pour vous en écouter. Garde-nous chatte. Exprès qu'elle n'aime bitch of lambs. Mais peut-être apparemment qu'elle ne le vend pas, mais elle donne sa chatte. Ah, carrément. Ah. Allô. Où est-ce que vous avez vu notre annonce? Sur internet, madame, mais je viens de comprendre. Vous ne vendez pas. Vous la donnez peut-être? Oui. Vous donnez votre chatte. Ah, c'est pas d'accord. Même elle donne ses deux chattes, parce qu'elle a deux voilà, chattes. Voilà, mais je viens de comprendre. Eh bien, nous sommes prêts à les adopter. Est-ce qu'elles ont donc le poil soyeux, c'est ça? Je vous comprends très très mal. Hein. Elles sont propres. Où est-ce que vous avez vu l'annonce? Parce qu'on n'a pas passé dans Internet. Non, ça, vous compliquez la vie avec pas grand-chose. On parle de la chatte. Donc, est-ce que vous... est-ce qu'elles ont le poil soyeux? Ça dépend leur nourriture. Il y a une question qu'on n'a pas posée. Ah. Oui. Est-ce que c'est des belles chattes? Il y a un truc qui est terrible, c'est que nous on parle d'animaux. Toi quand tu parles de l'animal, tout de suite on a l'impression qu'il y a une espèce de second degré. Ouais. Et alors t'as jamais pécho une chatte? Ben non. Ben excuse-moi. Moi, toi je ne te confierais même pas un poisson rouge tellement tu me fais peur.